Ça commence sur un terrain, je connaissais pas le terrain. Une équipe de racailles, c'est pas moi qui raquette. J'ai coupé la quête, on va pas trop les parts. Quand y'a un bruit, le rat, il sort l'épée. Quand y'a la guerre, Noémie cherche la paix. Dis qu'il est Nia, touche pas les miens. Chez moi, le cabou, fait danser le Mia. Pointé Dounia, on t'appelle Dounia. Rafale en T-Max, il reste que les miettes. Rafale en T-Max, il reste que les miettes. Pour tous ces acteurs, ils sont narrateurs. Merci le rap, il se donne un rôle. Genou à terre, la main sur le cœur. Devant la matière, assis sur le trône. Toi et ta pute, on t'enlève ton maquillage. J'ai versé ma quilla pour voir ton vrai visage. T'es plus le dame, toi t'es plus dans le sillage. Je suis plus talentueux que les petits de la Masia. Ça sert à quoi de faire des études? Je fais des hits, j'suis pété. Connu comme clavé azerty, j't'avertis que la verdure te donnera des vertiges. Hey, Bibi là c'est je compatis, du roro, du platine, avant j'avais pas de ticket. Pourquoi tu veux me comparer? Je baisse tout sur Paris et j'fais danser la cité. L'un des m'appelle pour bon tarif, on arrive, on anime des narines cocaïnées. La haine c'est radicale, on va l'éradiquer. Rolex Adika, valeur à la revente, le prix d'un héritage. On vient revendiquer, boum boum dans l'habitacle. Très peu d'habitants savent manier la guitare, la grinta de Wilton. Les gens j'ai pas sommeil, vie de César ABX. C'est moi qui te casse au pays, comme les guerriers on kiffe le bail. Billet de banque, je sais qu'il te faut, y'a de quoi dépenser. Tranquille et toi, c'est Dieu qui donne, t'es devenu crazy. Le soir j'ai pas sommeil, tu chauffes moi je paye ton loyer. Et dans ces codes tu connais le name, je baise et je baisse c'est maïs. Je ne suis pas si naïf, l'amour est dédié, retirer sa lingerie. En un week-end on dit que je suis magique, pourquoi t'abuses du bail? Bébé non, je vais ma vie d'air, je t'aime plus comme avant, putain si tu savais. Plus peur quand y'a les porcs, je vais danser leurs enfants. Plus t'es à la maison, putain si tu savais. Le soir j'ai pas sommeil, vie de César ABX. C'est moi qui te casse au pays, comme les guerriers on kiffe le bail. Billet de banque, je sais qu'il te faut, y'a de quoi dépenser. Tranquille et toi, c'est Dieu qui donne, t'es devenu crazy. Le soir j'ai pas sommeil, tu chauffes moi je paye ton loyer. Et dans les dots, tu connais le name, je baise et je baisse, c'est maïs. Je ne suis pas si naïf, l'amour est dédié, retirer sa lingerie. En un week-end, elle dit que je suis magique, pourquoi t'abuses du bail?